Lundi 5 novembre, la maison de Dieu. Autre image du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, la maison ou maisonnée de Dieu. Il s'agit d'une métaphore faite de pierres et de bâtiments qui souligne la nature complexe et interdépendante des relations humaines dans l'Église. Pierre qualifie les chrétiens de pierres vivantes. Cette métaphore signale également une idée de permanence et de solidité. Lisez Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Quelles idées clés Paul souligne-t-il dans ce passage? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'unité dans l'Église? Dans ce passage, Paul associe deux images de l'Église. L'une inerte, une maison ou un bâtiment, l'autre vivante, une maisonnée de gens. Une pierre n'a pas beaucoup de valeur en soi, mais quand elle est assemblée à d'autres pierres, elle devient une structure qui peut résister aux intempéries de la vie. Aucun chrétien ne peut être une pierre tout seul dans son coin. Il doit s'associer à d'autres dans la communion de la maisonnée de Dieu. Pour qu'un édifice soit solide, il doit reposer sur de solides fondations. Jésus-Christ est cette fondation et la pierre angulaire de la maison de Dieu. L'Église cesserait également d'exister si elle ne faisait pas de Christ la pierre angulaire de ses activités. L'Église ne concerne que Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. L'Église forme une communauté de croyants, unis pour partager la bonne nouvelle sur Jésus avec le monde. Le programme de l'Église, c'est Jésus, qui il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait en nous, et ce qu'il offre à quiconque veut l'accepter comme Sauveur et Seigneur. L'image d'une maisonnée est également très significative. Une maisonnée dépend des relations entre les personnes. C'est l'image familière d'un père et d'une mère, des frères et de sœurs. Les liens entre membres d'une même famille peuvent être forts, et la loyauté qui va avec transcende souvent tous les autres liens extérieurs. La loyauté est une partie importante de l'unité, car comment pourrait-il y avoir une quelconque unité sans loyauté? Quel est le rapport entre cette image et l'Église? Les membres d'Église font également partie d'une grande famille. Nous sommes liés, non seulement parce que nous appartenons à la famille humaine à travers notre ancêtre commun Adam, mais également parce que nous sommes liés à Jésus, le second Adam, à travers notre expérience commune de nouvelle naissance. Ainsi, nous devenons unis les uns aux autres, non seulement à cause des vérités doctrinales que nous avons en commun, mais aussi dans l'expérience d'âmes converties ayant une nouvelle vie en Jésus. Malheureusement, tout le monde n'a pas une expérience formidable avec sa famille, d'où le fait que cette image ne signifie pas grand-chose pour eux. Comment, en tant qu'Église, pouvons-nous devenir la famille que ces personnes n'ont jamais eue ?